J'ai un dilemme, j'ai un problème. J'ai une voix douce qui monte sans peine. Je suis facile, je suis docile. Je n'ai rien d'un imbécile. J'étudie bien, je passe mes examens. Faire partie de la société, qui pousse, qui râle et qui transpire, qui ne sait plus par où courir. Alors qu'est-ce qui vaut de l'or si on découvre ses trésors? Qu'est-ce qui s'enfuit si on ne l'a pas à l'esprit? Mais surtout pas ce qui s'éveille avec le doux bruit de l'oseille qui fait croire qu'on est immense. C'est peut-être l'essence, oui l'essence, ce qui font entrer dans la danse du style du groove et de la chance. Qui vaut de l'or si on découvre tes trésors? Toi qui s'enfuis si on ne t'a pas à l'esprit. Yeah. Rotamagus présent à la guitare, inénarrable.